mutation d'un nouvel air. Comme c'est l'animal de laboratoire, on finira par manquer d'air. Faut qu'on se dépêche de s'en avoir pour tomber dans les pommes d'acier. Si vous me germez les graines d'espoir, ça finira par porter ses fruits. Et cette air fraise et ses trompeurs qu'on se commande pour s'oxygéner n'est qu'une artificielle vapeur qu'on a bricolé sans se gêner. Faut qu'on se dépêche de se fondre la voix. Je restais pas mi-fig, mi-raisin, car le manque d'air donne pas faim. Pas rester mou comme un chewing-gum au lit où t'es séché de l'intérieur. La fraîcheur de vivre comme sérum, je m'achète non plus finir les saveurs. On laisse stagner le ras-le-bol, on va pas s'enfoncer dans la vase. Regarde la vie comme dans une golfette.